Merci beaucoup pour l'invitation et merci pour cette opportunité de revenir sur un travail dans lequel j'avoue que j'ai dû me replonger parce qu'on on oublie étonnamment vite ce sur quoi on passe des mois à travailler, si ce n'est des années dans le cadre de thèse. Merci beaucoup de me donner cette opportunité voilà, de reconsolider, de me permettre de recréer potentiellement des liens entre un objet d'étude et une pratique aujourd'hui qui n'est pas sans écho avec voilà, le contenu de cette étude historique. Donc, comme le disait Emilien, j'étais dans le master d'histoire et donc cette publication est le résultat d'un travail de mémoire qui, par définition et en plus à cause du contexte à l'époque, était assez restreint en termes de sources parce que c'était pendant le Covid, les accès aux archives étaient limités et donc ça a un peu conditionné le choix de se concentrer sur une institution, même si au final ça relevait aussi d'une volonté d'étudier une problématique en particulier, et ça correspondait au final plutôt bien à ce que je voulais faire, mais je voulais quand même préciser que voilà, le caractère un peu circonscrit de l'objet était aussi attribuable à un contexte. Finalement, mon apport à cette conversation sera aussi quelque part modeste du fait de la nature historique de ce travail, donc avec peut-être voilà, pas des apports immédiats en ce qui concerne la transformation publique aujourd'hui. Pour situer un peu oui, juste un truc, je voulais préciser que la couverture, donc j'ai dû envoyer une photo de couverture en 2023, et c'était à l'époque où DALL-E commençait à fonctionner, donc c'était le premier générateur d'images, bon, on s'était mis d'accord avec les purs qu'on allait peut-être faire appel à une intelligence artificielle pour générer cette espèce de fantôme d'un personnage voilà, de l'État dans les années 80. Mais donc, ce qui illustre peut-être aussi quelque chose d'intéressant, c'est que aujourd'hui, parler de la technologie de manière contemporaine est peut-être plus difficile que d'en parler de manière historique, parce que les choses évoluent tellement vite qu'on a l'impression souvent de faire de l'histoire alors qu'on parle de choses qui se produisaient il y a encore quelques mois dans le domaine technologique. Voilà, j'ai l'impression que c'est déjà un objet historique cette image parce que DALL-E n'existe plus en tant que en tant que logiciel. Bref. L'intérêt initial était d'essayer d'analyser donc de comprendre plutôt l'impact de la pensée cybernétique sur la politique. C'était un peu ça la problématique qui m'animait à l'époque. Donc la cybernétique étant la science de la communication et de l'information formalisée par Norbert Wiener aux États-Unis, et puis après transformée en disons une méthodologie plus large qui s'est après traduite par l'analyse des systèmes, enfin après voilà, qui a eu pas mal de déclinaisons. À ce moment-là, c'est ça qui m'intéressait, et je suis tombé sur cette. Et en même temps, ce qui m'intéressait, c'était aussi de faire. Voilà, de lier ça à l'histoire politique, si possible en France. Et donc je suis tombé sur cette institution assez étrange, au nom très un peu biscornu, le Centre d'études des systèmes et technologies avancées, qui a été créé en 1981 et dissous en 1988, donc une durée de vie assez courte, mais très liée à un contexte politique. Je me suis dit que ce serait l'occasion de prendre ce prisme d'une institution. Je m'étais pas mal inspiré à l'époque du travail fait par Paul-André Rosenthal sur notamment l'INED, sur voilà, l'utilisation d'institutions pour comprendre des phénomènes contextuels plus larges. Et je pense aussi au travail d'Alain Chatriot sur les origines du CESE. Et donc l'idée était de prendre cette petite institution assez atypique pour plein de raisons pour étudier un contexte plus large d'intérêt public pour la question de l'innovation. Et donc à partir de là, j'ai essayé de tirer le fil de ce fonds d'archives qui avait été inexploré. Pour vous faire un peu l'histoire de cette, très bref, l'histoire de cet institut, il a été créé donc en 1981 à la faveur de la création d'un nouveau ministère de la recherche qui n'existait pas encore, qui a été donc, 1981, je devrais quand même situer, c'est l'élection de François Mitterrand en mai, l'arrivée de la gauche au pouvoir après des décennies dans l'opposition sous la Ve République, et avec cette idée de mettre l'accent sur la recherche, d'augmenter les budgets de la recherche, donc il y a une loi de programmation qui est rapidement rédigé, et donc ce nouveau ministère est créé et mis sous l'égide de Jean-Pierre Chevènement à l'époque, avec l'idée d'impulser un nouveau mouvement, sauf que cet institut donc est placé dans cette espèce donc à l'époque ils avaient logé donc le ministère de la recherche à l'ancienne dans les locaux de l'ancienne école polytechnique rue Descartes dans le 5e. Et donc l'idée était de fédérer plein d'acteurs qui en fait existaient déjà dans la délégation interministérielle qui traitait de la recherche, et le CESTA donc était une de ces créations institutionnelles qui en fait avait son propre agenda et était, je m'en suis vite aperçu, l'émanation d'un ensemble de réseaux de penseurs affiliés à la gauche mais plutôt hétérodoxes, de penseurs de la technologie qui voulaient apporter une vision différente de l'innovation, de la manière dont l'État traitait de la technologie. Donc c'est un ensemble de réseaux, notamment avec l'IRIS, qui était un centre de recherche sous la direction de Jacques Attali à l'époque, qui donc était un proche conseiller du candidat Mitterrand pendant assez longtemps, à l'école Dauphine. Le groupe des 10, je ne sais pas si c'est si vous êtes familier de cette nébuleuse intéressante formée de Edgar Morin, Michel Rocard, Michel Serres à l'époque, et qui donc réfléchissait aussi aux questions technologiques sous un angle cybernétique, systémique, qui voulait apporter une vision plus holistique de l'impact des technologies sur la société dans un contexte de crise économique dans les années 70, de nécessité d'apporter des nouveaux prismes pour comprendre la réalité économique. Joël Le Ronet aussi, et tout ça est aussi très lié au réseau de la prospective à l'époque, avec Jacques Le Sourne, et puis aussi, là c'est pas sans lien avec votre organisme, parce qu'il y avait une très grande réflexion au sein de certains milieux syndicaux sur l'autogestion. La CFDT et Pierre Rosanvallon notamment étaient assez associés à ces réseaux-là sur la manière dont la technologie pouvait être, et notamment les technologies de l'information, pouvait être utilisée pour donner de nouvelles formes institutionnelles, organisationnelles aux entreprises, et jouer en la faveur notamment des salariés, des ouvriers. Tous les réseaux, disons, d'universitaires traitant des sciences sociales des technologies, donc une espèce de discipline qui émerge à cette époque-là, non sans lien avec Bruno Latour, Jean-Jacques Salomon à l'OCDE. Donc voilà, tout ça, une espèce de nébuleuse que j'essaie d'analyser au début de mon travail, et qui fait émerger ce CESTA, qui est un peu, dont la création est un peu chaotique, à l'image de ces différentes personnalités qui ont leur agenda et qui ne sont pas particulièrement habituées à l'exercice politique. Ce qui est intéressant, c'est que ce moment de 1981 est un moment où des personnages atypiques accèdent à ces institutions de l'État dans la foulée de François Mitterrand, qui est notamment des personnes comme Jacques Attali qui se veulent un peu des personnages iconoclastes. Et donc cet institut est intéressant du fait justement de son positionnement un peu deuxième gauche par rapport à l'agenda de Chevènement à cette époque-là, qui a une vision très dirigiste par filière de la recherche et de la technologie. Et il devient vite ministre aussi de l'industrie. Et donc le CESTA se place un peu en faux de ça, dans la lignée des travaux de ces différents individus, avec la volonté de proposer une prospective, une manière d'associer acteurs de la recherche et acteurs économiques de manière différente, de proposer des formats, des nouveaux formats, une espèce de centre de réflexion un peu multiforme. Au final, celui qui prendra la tête de cet institut est une personnalité très... Enfin, là aussi, qui m'a vraiment... qui m'a un peu fasciné, parce que c'est quelqu'un qui... Donc, c'est Yves Sturdze, dont j'ai apporté un des ouvrages, qui était initialement une personnalité associée du mouvement du 22 mars en mai 68, en 68, pas en mai du coup, mais très associée à ce mouvement-là, qui du coup a fait sa thèse sous la direction de François Lyotard, qui initialement n'avait pas grand-chose à voir avec la technologie, mais qui s'est tourné vers la technologie, justement en s'intéressant à la manière dont les nouvelles technologies de l'information pourraient complètement bouleverser nos modes organisationnels dans la société. Et donc, un peu dans cette logique un peu deuxième gauche, hétérodoxe, il s'est, au cours des années 70, il s'est il s'est converti à une vision assez techno-optimiste, convaincu de la possibilité d'utiliser le pouvoir des nouvelles technologies pour faire advenir une société différente. Et donc j'ai mis les deux photos donc de Yves Sturdze, qui donc prend la tête du CESTA en 1983, et Jean-Pierre Chevènement, qui incarne les deux visions de la manière dont l'État s'approprie cette question de l'innovation à ce moment-là. Bon, Sturdze étant un personnage beaucoup plus confidentiel que Chevènement, j'aurais peut-être dû mettre Attali, mais en fait, Sturdze devient vite une espèce d'éminence grise sur les questions technologiques au sein de ces réseaux plus mitterrandiens, rocardiens, avec Chevènement qui, du coup, quitte le pouvoir à la faveur du tournant de la rigueur. Au final, ce qui m'a intéressé, c'était de voir comment la vision... Sturdzéenne, plus axé sur... En fait, il parle déjà de déréglementation à cette époque-là, donc il s'interdit pas de dire qu'en fait, il faut commencer à déréglementer certains secteurs, dont les télécommunications, qu'il faut absolument s'inspirer du modèle états-unien sur la création d'écosystèmes un peu sur le mode de Silicon Valley, de concurrence entre des acteurs de la recherche, des petites entreprises, qu'il faut absolument passer à une échelle européenne. Donc lui, il s'insère un peu dans ce débat qui a lieu entre les deux gauches en 1982, en disant, eh bien, nous, on doit adopter ce tournant européen pour des raisons technologiques d'innovation. J'ai trouvé ça intéressant, d'abord sur la possibilité d'apporter une nouvelle lecture du tournant de 1982 par ce biais justement de la technologie. Effectivement, on constate que la technologie prend une ampleur importante chez Mitterrand à cette époque-là, qui fait ce tournant européen et technologique, du moins dans le discours. Et puis, deuxièmement, le CESTA est associé à des initiatives de coopération internationale et notamment européenne dans le domaine technologique, dans l'idée qu'il faut absolument faire émerger des acteurs capables de résister à la concurrence qu'opposent les nouvelles filières américaines et japonaises. À cette époque-là, c'était vraiment le Japon qui faisait trembler les industries européennes. Et donc, une des initiatives phares dont le CESTA est à l'origine, en partie, est le programme Eureka, qui est un programme non communautaire, donc européen, mais pas associé à la commission, qui émerge vraiment de l'Élysée et dont l'objectif est de fédérer des acteurs de la recherche et industrielle dans des projets pré-compétitifs, donc de projets pilotes, notamment sur des superordinateurs. Et c'était un projet qui était qui visait à répondre au fameux Star Wars de Reagan à cette époque-là, avec la différence quand même très importante qu'il n'y avait pas de dimension militaire. Donc, on pourra discuter peut-être des limites de ce genre de ces types de dispositifs qui à l'époque émergent, qui sont une tentative européenne de produire une forme de politique industrielle de la recherche et du développement avec une logique industrielle. Mais qui seront un peu le champ du cygne de ce type d'approche avant l'avènement de la politique de la concurrence dans les années 90 et la déréglementation du secteur des télécoms. Et donc voilà, pour un peu tirer le fil de ce récit, le CESTA se retrouve impliqué dans ces différents projets. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir comment ces réseaux, ce contexte intellectuel des années 70 se traduisait aussi par une vision politique, une façon aussi de voir l'action publique, une façon de mettre l'accent sur la coopération internationale, sur certaines formes de technologies plutôt que d'autres, sur les régions, les PME. Donc une tentative d'apporter cette vision-là, et sur certains sujets, moi j'étais quand même... assez étonné de voir que Sturzé avait cette vision, cette dimension un peu visionnaire, même s'il n'était pas ingénieur, même s'il n'avait pas cette connaissance forcément technique des technologies, qu'il était capable de dire à l'époque, le Minitel, ça ne marchera pas, ce sera l'informatique et non les télécommunications qui vont gagner la bataille. En fait, il va avoir quelque chose de beaucoup plus décentralisé. Donc, en fait, le protocole TCP/IP n'existait même pas. Les bases d'Internet n'existaient pas à l'époque, mais il disait, le Minitel est une première étape vers quelque chose de beaucoup plus révolutionnaire, qui est une structure complètement décentralisée, qui reposera avant tout sur les terminaux connectés. Donc, ce n'était pas le pari du Minitel, qui était avant tout une invention de la Direction Générale des Télécommunications à l'époque. Et donc, quelque part, il avait anticipé que l'informatique l'emporterait sur les télécommunications au long terme. Donc, en termes de prospective, il n'avait pas entièrement tort. Mais au final, voilà, sa vision, meurt avec lui quelque part, malheureusement, parce qu'il décède donc en 1987 d'un cancer. Son organisme se retrouve dépossédé du programme Eureka. Donc, j'analyse un peu aussi les raisons de l'échec de cette greffe institutionnelle. Et donc là, c'est plus de l'histoire institutionnelle et de l'histoire de l'État en mode presque micro-histoire. Et donc parce qu'évidemment, en 1986, c'est le début de la cohabitation avec le gouvernement Chirac, qui ne s'intéresse pas vraiment à ce que fait cet institut, qui n'est pas du tout dans la même logique, qui considère que c'est au secteur privé de s'approprier ces questions-là, et donc la prospective n'a pas son rôle à jouer, et ce type de coopération internationale, finalement, n'est pas très opérant. Donc ça, c'était un peu pour vous retracer l'histoire de cet institut. Il me semble que, donc, pour revenir peut-être plus directement à l'objet de la discussion d'aujourd'hui, je me suis dit que cette étude pouvait répondre, faisait émerger ces cinq problématiques qui pouvaient être pertinentes pour notre discussion. La première, c'est la manière dont les pouvoirs publics traitent ou créent même l'objet de l'innovation en tant que tel, comment l'objet de l'innovation apparaît comme objet des pouvoirs publics, et comment l'État s'en empare. Ensuite, deuxièmement, c'est comment la gauche, donc une force politique, s'approprie cette question technologique. C'est vrai que j'ai pas vraiment problématisé le sujet de l'innovation versus l'innovation technologique. Là, en mon cas, c'est assez clairement surtout les questions technologiques, même si en soi les deux sont liés, parce que les modes d'intervention de l'État Et les technologies, dans l'esprit en tout cas de Sturze, dans l'esprit de cette institution, sont extrêmement liées. Les technologies informent l'action de l'État, les organisations. Donc comment la gauche développe une réponse doctrinale à la nouvelle donne technologique. Troisièmement, comment les technologies rétroagissent quelque part sur la vision qu'on peut avoir de la société, de l'État. Donc là, j'ai un peu utilisé de manière légèrement opportuniste cette notion d'imaginaire sociotechnique développée par Sheila Jasanoff, qui est une universitaire de Harvard et justement une des grandes figures des Science and Technology Studies aux États-Unis, avec cette idée que justement les technologies comportent en elles une dimension idéologique, une dimension qui n'est pas que, enfin qui n'est pas neutre, voilà. Quatrièmement, comment la technologie, et là c'est peut-être plus directement lié peut-être à votre intention pour ce séminaire, donc comment la technologie vraiment participe à la réforme de l'État dans son fonctionnement, et enfin comment l'État peut produire une vision prospective sur la technologie. Donc comment l'État peut être comme l'était donc ou tenter l'être le CESTA, un acteur de prévision pour préparer à la fois l'État et la société à l'avènement d'une nouvelle donne technologique. Donc il me semble que ces 4-5 problématiques peuvent être intéressantes pour notre discussion. Je ne sais pas si j'ai le temps d'expliquer un peu comment, sur chacune de ces choses-là, comment, peut-être quelques pistes sur comment justement moi dans mon travail là, j'ai vu qu'il y avait de potentiels éléments de réponse. Je ne sais pas si, ouais, bon, bah, donc pour le premier sujet, à nouveau, bah là, je pense que j'en ai déjà parlé, c'est donc la manière dont l'innovation en tant qu'objet même d'intervention des pouvoirs publics a été en fait est apparu à cette époque-là, c'est-à-dire qu'il y avait une vision très linéaire jusqu'à ce moment-là de la manière dont l'État pouvait susciter l'innovation technologique. Le terme innovation n'était même pas usuel à cette époque. L'idée était que en investissant dans des organismes de recherche, il y aurait une espèce de en comptant sur les entreprises d'État, l'innovation se produirait. Donc le grand modèle de ça, c'était la filière de l'atome à cette époque-là, qui était vraiment le modèle d'une filière constituée par l'État, fédérant des acteurs de la recherche, de l'industrie, et créant un nouveau cycle qui a été donc avec le succès qu'on connaît. Et sauf qu'à cette époque-là, dans les années 70, il y avait beaucoup d'interrogations sur ce modèle liées au fait que la crise économique s'était installée, une crise qui semblait ne pas s'évaporer de sitôt, et donc des réflexions sur comment susciter l'innovation, notamment dans le domaine des technologies de l'information, qui devenait un sujet très important, mais au début du cycle technologique, on ne savait pas exactement ce que ça allait donner. On se demandait sur comment agencer les acteurs de la société pour faire émerger des résultats. Et donc, il me semble que le CESTA était plutôt symptomatique de cela, dans sa volonté de créer de sortir de cette logique de filière, de cette logique linéaire. Après, on pourra discuter du succès de cette vision. Ensuite, sur la manière dont la gauche s'approprie la question technologique, là aussi, moi, à titre personnel, j'étais intéressé de voir qu'en fait, il y avait vraiment une réflexion très riche à gauche, justement sur comment la technologie n'était pas juste une question purement technique, que c'était une question sociale, politique, et notamment venant de la deuxième gauche, venant des syndicats, venant de la CFDT a produit à cette époque-là, un livre dont le titre m'échappe, mais qui m'avait beaucoup nourri donc dans les fin des années 70, sur la manière dont la technologie allait changer le travail, à nouveau les technologies de l'information. Et donc ça m'a beaucoup intéressé. Je pense qu'il y avait trois angles en fait que la gauche essayait d'aborder. C'était d'abord la question de la souveraineté, donc ça c'était plus l'angle chevènementiste. Comment est-ce que la France peut garder le contrôle de ses filières, de ses industries, créer sa propre filière informatique, enfin qui existait, mais il y avait le plan calcul, mais là, c'était plutôt l'inverse de l'atome. Il y avait plutôt des doutes sur son efficacité. Deuxièmement, la question de l'acceptabilité des technologies pour les populations, pour les ouvriers. Et troisièmement, en fait, ça, c'est l'aspect plus tourdzéen, plus techno-optimiste, comment ces technologies vont nous permettre de réinventer une nouvelle société plus horizontale, ouverte, émancipatrice, grâce à des technologies légères, le télétravail, parce que les gens parlaient déjà de télétravail à cette époque, en période de crise énergétique. Ils se disaient, on va tous pouvoir rester chez nous, on va pas prendre la voiture, donc ça va nous permettre de travailler à distance et de faire des économies. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Ensuite, comment la technologie affecte l'État et ses fonctions. Là, malheureusement, en fait, c'est un peu j'ai oublié le troisième point, désolé, je tarde un peu, je vais essayer d'accélérer. Donc là, sur la manière dont la technologie rétroagit sur la politique, là, justement, ce qui était intéressant de voir, c'était comment cette conception, conception plutôt cybernétique de la société, qui était liée à l'émergence de ces technologies de l'information, informait aussi la vision de certains acteurs, Jacques Attali s'en revendiquait aussi, de la société comme un système informationnel avec des technologies sociales, qui permettaient d'agencer les acteurs afin de faire émerger des innovations collectives. Cette idée qui a un versant néolibéral, qui peut mener à une conception néolibérale. Il y a des études très intéressantes sur la manière dont la vision hayekienne s'inspire de cette théorie de l'information de la société, comment le libéralisme, le néolibéralisme est une forme de théorie de l'information et de la gestion optimale de l'information dans une société. Et quelque part, sans dire que c'était un projet néolibéral, il y avait cette idée que la société pouvait être agencée de manière plus optimale selon cette idée-là, donc en plaçant l'accent sur un fonctionnement réticulaire, l'autogestion, enfin les nouvelles méthodes de management dont tu es un bien meilleur expert que moi, donc on pourra peut-être en parler plus tard. Je trouvais ça intéressant de voir comment justement la technologie informait aussi des visions de la société dans ce cas-là. Le quatrième point plus opérationnel sur la manière dont la technologie change le fonctionnement de l'État, là, à nouveau, je pense qu'ils sont... Mon objet, malheureusement, ne m'a pas trop permis d'aller en profondeur sur ce sujet-là, et surtout, je pense qu'eux n'ont pas pu aller jusqu'au bout de leurs expérimentations, parce qu'ils voulaient... Ils voulaient tester beaucoup plus de dispositifs au niveau régional, de façon d'intégrer à l'époque le Minitel dans le fonctionnement administratif. Je pense qu'il y avait il y avait des projets de voir comment l'informatique allait changer le rapport des usagers au service public, qui au final est devenu un objet peut-être quelques années plus tard quand même de vraiment d'intérêt pour l'État de manière moins expérimental et plus officiel et problématique. Et enfin, la dimension prospective, c'est non sans ironie que je dis ça, c'est qu'en fait, le CESTA et son déclin étaient plus symptomatiques du déclin d'une forme de vision de la planification et donc d'une vision de la prospective qui pouvait informer la gestion de l'économie, comme c'était une époque de transition entre une économie dirigée avec des entreprises d'État et une économie plus libéralisée. Et donc, par définition, le plan et la prospective avaient une fonction déclinante. Il me semble que le CESTA et plein d'autres organismes de prospective ont été un peu victimes de ça, et aussi d'une nouvelle tendance à sous-traiter aussi la prospective à des cabinets privés, aussi dans une logique de justifier des mesures prises a posteriori. Donc ça, peut-être qu'on y reviendra aussi. En guise de conclusion, il me semblait, donc là je vais me livrer à un exercice qu'on n'est pas censé faire en tant qu'historien, mais comme je ne suis plus du métier, je peux me permettre de faire plein de parallèles avec d'avoir une vision totalement rétrospective, anachronique, voilà, qui peut-être méthodologiquement ne justifie pas, mais il me semblait quand même intéressant, surtout en travaillant aussi un peu sur ces questions-là aujourd'hui et en ayant été aussi aux États-Unis là ces derniers mois où la technologie et la politique ont connu une espèce de collision vraiment assez particulière, il me semblait intéressant de me dire que cette période qui a fait l'objet de ce travail constituait une sorte de préhistoire. Un peu, disons, à un niveau subjectif, un peu troublant de tout ce qui s'est produit par la suite. C'est-à-dire que tout ça s'est produit avant, en fait, tout un cycle qui, aujourd'hui, détermine où nous nous retrouvons par rapport aux technologies de l'information qui se sont, enfin, en fait, voilà, qui ont pris la place qu'on connaît. Mais donc, voilà. Yves Sturzé meurt l'année de la publication du livre vert de la Commission sur la libéralisation des télécoms, qui est vraiment le moment où, en fait, l'Europe adopte le tournant de la libéralisation du secteur, qui marque le début de la fin d'une politique industrielle européenne, dans l'idée qu'en réalité, le levier principal sera le marché libre pour susciter l'innovation, pour faire advenir cette société de l'information qui est devenue après un slogan collectif en Europe. Il n'a pas vu l'avènement du World Wide Web, mais qui en fait allait supplanter cette vision souveraine d'une technologie de la communication numérique qui allait voilà donc se transformer devenir le système dans lequel nous vivons actuellement et après bon je vais pas entrer dans les détails de la succession des événements mais tout un ensemble de choses qui font que quelque part du point de vue de Sturzé du point de vue de cette époque on est dans une espèce de pire des deux mondes à savoir que au niveau économique, nous avons perdu toute forme de souveraineté, enfin toute forme, je vais pas être trop dramatique, mais vraiment une très très grande part de souveraineté sur nos leviers industriels, sur la production de cette technologie, de ces systèmes technologiques, et puis sur la dimension sociale, sur cette idée que ces technologies allaient apporter une forme de libération collective, une émancipation, une forme d'horizontalité. On y est. Pas vraiment et c'est intéressant de voir qu'en fait voilà ils n'étaient pas du tout les seuls. On lit Jacques Ellul à cette époque-là, grand technophobe, on va dire grand critique de la technologie, qui disait la technologie de l'information va nous permettre de sortir de ce dilemme, va nous empêcher de tomber dans une nouvelle forme de prolétarisation, notamment pour le tiers monde, comme on disait à l'époque. De même pour André Gortz, qui disait la même chose, qu'il disait ça dans l'immatériel, grâce à la technologie de l'information, on sortirait de la logique capitaliste. On peut constater que malheureusement, même s'ils étaient visionnaires, ils n'étaient pas capables de voir les limites de cette vision-là. Je suis très heureux de discuter de ces différents éléments et je te laisse la parole, Marcel.